Un enfant au cœur doré, un enfant qui aime aimer. La beauté de l'amitié, prends ma main, tiens-la serrée. Toi le compagnon qui marche sur la route, tu portes le fardeau des regrets et des doutes. Toi le pèlerin qui regarde au loin, tu lèves ton regard et aimes ton prochain. Un enfant au cœur doré, un enfant innocent, plus fort que les regrets, tu marches de l'avant. Toi le repenti, tu regardes la lumière, et pour toi aujourd'hui ne sera jamais hier. Être un enfant, c'est ce qu'il y a de plus beau. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un enfant? Un petit chevreau sur le point de se lever et de marcher. Un lézard qui mue et qui se lève au soleil dans le but d'être quelqu'un d'autre. Toi aussi tu peux muer. Tu as plusieurs horizons devant toi. Tu as le futur, tu as le passé, tu as le présent et le passé mélangés dans un nouveau temps qui est le temps de l'amour. Fais que ta joie soit joyeuse. Fais que ton amour soit aimé. Fais que l'amour qui coule de ta joie soit de la joie aimée et joyeuse à la fois. Fais que tout ce qui vient autour de toi soit comme un sort de gaz d'amour, un gaz qui flotte et qui fait ton cœur immatériel, que ton âme te quitte et qu'elle aille au paradis des gens qui sont vraiment bien. Quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Quelqu'un qui peut aller loin, c'est quelqu'un qui peut aller encore plus loin. Quelqu'un qui n'a pas de limite, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet. Qui ne connaît pas l'alphabet de l'amour, l'alphabet du désir. Qui ne connaît pas les lettres, qui ne connaît pas les lettres qui permettent d'être quelque chose de vraiment très beau. Vois cet oiseau, il vole. Il vole car il veut voler. Et s'il ne volait pas, ce ne serait pas un oiseau. Ce serait autre chose. Ce serait une pierre qui roule dans la mer. Et en roulant, je prends mon petit morceau de verre que quelqu'un va récupérer. Quelqu'un va récupérer ce petit morceau de verre. Symbolisé sa famille vers sa patrie. Allez hop, c'est vraiment tous les métiers qu'il faut remercier. Je remercie ceux qui sont quelque part au loin. Je remercie ceux qui ont marché un jour pour moi. Je remercie l'amour. Je remercie toutes ces notions qui commencent par la lettre E, comme l'amitié, le bonheur. Je remercie aussi tout ce qu'on ne connaît pas, tous les gens qui sont au loin. Cette musique leur est dédiée. Cette musique est pour eux, cette musique est dans mon cœur, cette musique, elle est pour toi, Tigger.